Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Créée par Robert Zemeckis et Bob Gale, la franchise américaine de science-fiction Back to the Future donnera naissance entre 1985 et 1990 à une des trilogies les plus aimées du public. Suivant les aventures d'un lycéen et d'un scientifique excentrique, alors qu'ils utilisent une machine à voyager dans le temps sous la forme d'une DeLorean afin de visiter différentes périodes de l'histoire de la ville fictive de Hill Valley, cette franchise amassera tout près $1 milliard en recettes à travers le monde entier. Bien sûr, ce succès fera en sorte que les exécutifs des studios Universal chercheront à profiter du momentum afin de faire encore plus d'argent sur cette franchise à travers diverses attractions touristiques, des jeux vidéo et de société, des comic books, une panoplie d'articles promotionnels, une comédie musicale sur les planches de Broadway et également une série télévisée d'animation. Intitulée « Back to the Future, The Animated Series », cette dernière sera la toute première tentative de suite à la trilogie de films. Quelque peu éducative, elle sera diffusée le samedi matin sur les ondes du poste de télévision américain CBS, débutant le 14 septembre 1991 et durant seulement deux saisons, soit plus de 26 épisodes d'une vingtaine de minutes chacune. Dans les années 1980 et 1990, il était assez courant de prendre un film à succès et de l'adapter en un dessin animé pour enfants, genre Ace Ventura, Pet Detective, Rambo et bien sûr Ghostbusters. Pour diriger la série, les exécutifs de la Universal se tourneront vers le duo d'écrivains John Ludin et John Loy, qui avaient déjà réalisé les séries animées Bill & Ted Excellent Adventures et The Mask. Parce qu'ils possédaient les droits de la franchise, Bob Gale et Robert Zemeckis seront approchés pour la série d'animation afin de donner leur approbation au travail de Lloyd et Ludin. Gale deviendra alors très impliqué dans la série en tant que producteur exécutif. Sur une période de trois mois, Lloyd et Ludin développeront leur concept avec l'approbation, bien sûr, de Gale. Une fois le tout réglé, les showrunners parviendront à obtenir les vedettes Mary Steen Burgin et Tom Wilson afin de reprendre vocalement les personnages qu'ils interprétaient dans les films. Malheureusement, l'acteur Michael J. Fox ne pouvait revenir et sera alors remplacé par la voix de l'acteur David Kaufman. Pour Christopher Lloyd, celui-ci sera de retour pour jouer son personnage de Doc Brown seulement dans les segments d'action réelle de la série, alors que l'acteur Dan Castellaneta prêtera sa voix au personnage animé de Brown, Lloyd, ayant d'autres engagements professionnels qui l'empêchaient alors de le faire lui-même. Cette décision sera prise lorsque Bob Gale, qui aimait la science, proposera aux deux écrivains que le Doc Brown présente à la fin de chaque épisode une sorte d'expérience scientifique liée à l'épisode. Pour Gale, l'exactitude scientifique et historique était quelque chose de vraiment important pour la série. Ce sera l'acteur et ingénieur en mécanique Bill Nye qui sera choisi pour interpréter l'assistant de laboratoire de Doc Brown. Tous les segments d'action réels seront filmés par le futur réalisateur de la franchise Ant-Man de Marvel, soit Peyton Reed. Pour la réalisation du look du dessin animé, Universal se tournera en direction de la compagnie Colossal Pictures, où les artistes James Baker et le futur réalisateur de Kung Fu Panda, John Stevenson, transformeront les personnages divers de Back to the Future en personnages de dessin animé. Ce sera l'artiste Ken Mitrone qui réalisera les storyboards de plusieurs épisodes de la série. Pour la musique, le compositeur Alan Silvestri sera remplacé par le compositeur Michael Tavera Silvestri, donnant l'autorisation à son remplaçant d'utiliser les thèmes qu'il avait créés pour les trois longs-métrages. Engagé pour 2 saisons de 13 épisodes, le poste CBS s'associera avec les restaurants McDonald's pour faire la promotion de la série animée avec un ensemble de jouets McDonald's Happy Meal. Une fête sera également organisée pour la première, à laquelle sera présent Zemeckis, Gale et le producteur exécutif Steven Spielberg, ce dernier envoyant par la suite une lettre à tous les membres du département de création pour les féliciter de leur excellent travail. Cependant, malgré la reconnaissance du nom de la série et de la participation de plusieurs de ses vedettes originales, Back to the Future, The Animated Series, n'obtiendra jamais de bons résultats au niveau des audiences. Alors que CBS honorera son engagement envers la 2e saison, le poste de télévision diminuera le budget de cette dernière, ce qui nuira quelque peu à la qualité finale de la production. Et donc, le dernier épisode original de la série sera diffusé le 26 décembre 1992, l'émission demeurant sur les ondes de CBS jusqu'au 14 août 1993, étant alors remplacée par la série d'animation Cyber Cops. Donc, voici la fin des aventures de Marty McFly et de Doc Brown, mais le début de ce spécial franchise de programme double dans lequel je vous parlerai de la trilogie Back to the Future qui continue encore aujourd'hui, après 40 ans, à marquer la culture populaire nord-américaine. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. This drive-in theater is radioactive. Now you can hear tonight's show on your AM car radio. Turn your ignition key to the accessory position. This will not drain your car battery. Now turn on your radio and zero in on the following AM station. We hope you have a wonderful time. Come back soon. Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in. Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go! It's showtime! And now, on with the show! Get more out of life. Go out to a movie. Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean ? Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche ! C'est une soucoupe volante venue de l'espace ! Sauvez-vous ! Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois arriver, c'est pas possible. Il fait la connaissance de son futur père. Mais c'est un voyeur ! Et il plaît beaucoup à sa mère. Il est absolument censé dormir dans ma chambre. Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc, je suis même pas né. Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Retour vers le futur. Back to the Future, ou Retour vers le futur, est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios Universal le 3 juillet 1985. Ce film américain d'une durée de 116 minutes a coûté 19 millions de dollars à produire et a amassé plus de 388,8 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du metteur en scène, on y retrouve le réalisateur Robert Zemeckis, lui qui avait réalisé les films Romancing the Stone, Contact et Forrest Gump. Au poste de producteur, on y retrouve le producteur Bob Gale, lui qui avait produit les films Used Cars, Interstate 60 et Back to the Future 2 et 3, ainsi que Neil Kenton, ce producteur américain qui avait produit les films The Witches of Eastwick, Money Train et Caddyshack 2. Au poste de scénariste, on y retrouve le scénariste américain Robert Zemeckis, lui qui avait écrit les films 1941, Trespass et The Polar Express, ainsi que le scénariste américain Bob Gale, lui qui avait écrit les scénarios de Used Cars, Interstate 60 et Mr. Payback, an interactive movie. Dans la distribution, on y retrouve les comédiens Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Claudia Wells, Mark McClure et Wendy Jo Sperber. Un adolescent, lié d'amitié avec un savant excentrique, se voit entraîné malgré lui à faire l'essai de la toute dernière invention de ce dernier, soit une machine à voyager dans le temps. Durant l'expérience, le scientifique est abattu par des terroristes alors que le jeune homme se retrouve 30 ans dans le passé. De là, ce dernier cherchera à changer le futur et ainsi sauver la vie de son ami, mais doit également jouer le rôle de Cupidon pour ses parents lorsqu'accidentellement, il empêche les deux de se rencontrer, ce qui pourrait l'effacer de l'histoire. Collaborateurs de longue date, le scénariste Bob Gale et le réalisateur Robert Zemeckis cherchaient à développer un film sur le voyage dans le temps, mais avaient du mal à créer un récit satisfaisant. Après la sortie de la comédie intitulée Used Cars, diffusée en salle en 1980, Gale rendit visite à ses parents et tombera sur l'annuaire du lycée de son père, ayant une réflexion sur la possibilité que lui et son père auraient pu être amis s'ils avaient fréquenté cette institution scolaire ensemble. C'est alors que lui viendra l'idée qu'il pourrait tester sa réflexion s'il pouvait voyager à cette époque où lui et ses parents auraient le même âge. Partageant cette idée avec Zemeckis, qui se rappellera alors que les histoires d'enfance de sa mère étaient souvent contradictoires avec la réalité, Gale et ce dernier commenceront à écrire une ébauche à l'automne de 1980. Par la suite, les deux hommes présenteront leur idée au président des studios Columbia Pictures, Frank Price, qui avait aimé le film Used Cars et qui souhaitait travailler avec eux. La première écriture de leur scénario sera alors terminée en février 1981, mais Price pensait que celle-ci avait besoin d'être retravaillée. Plusieurs concepts seront alors abandonnés, dont le fait que les actions du héros en 1955 auront un impact plus significatif sur l'avenir, rendant 1985 beaucoup plus futuriste et plus avancé. De plus, à l'origine, la machine à voyager dans le temps était un objet stationnaire déplacé à l'arrière d'un camion. Inspirée du documentaire The Atomic Cafe, cette machine à remonter dans le temps a été écrite comme marchant grâce à l'énergie d'une explosion nucléaire combiné avec un ingrédient supplémentaire, soit le Coca-Cola. Ce sera également durant ces réécritures que Gill et Zemeckis utiliseront les contrastes culturels entre 1955 et 1985 afin de peaufiner leur humour. Inspirés principalement par l'esthétique des films de Frank Capra, de la télésérie de Twilight Zone, de films de science-fiction et des livres de Robert Silverburn et Robert Heinlein, les deux hommes auront énormément de difficultés à travailler leur scénario. La relation amoureuse entre Lorraine de 1955 et son futur fils fut l'un des défis d'écriture les plus difficiles, les deux hommes cherchant alors à pousser le concept aussi loin que possible pour garder le public en haleine sans choquer ces derniers. Une deuxième ébauche sera alors achevée en avril 1981. Malgré tous ces changements, Frank Price décida de ne pas donner le feu vert à la production, ne croyant vraiment pas au succès du projet, car le film ne possédait pas d'éléments sexuels et de débauche comme les comédies les plus réussies de cette époque, soit National Lampoon's Animal House en 1978, Meatballs en 1979 ou même Porky's en 1981. Zemeckis et Gill se verront alors donner l'autorisation d'aller voir d'autres studios afin de tenter de vendre leur projet, mais le projet sera rejeté plus d'une quarantaine de fois, les raisons invoquées incluant un concept peu attrayant pour la jeunesse rebelle contemporaine et les échecs d'autres films de voyage dans le temps de cette époque, tels que Time After Time en 1979, The Final Countdown en 1980, ainsi que Somewhere in Time, également en 1980. Cependant, malgré ces refus, le projet était aimé du producteur et réalisateur Steven Spielberg, dont les deux collaborations précédentes entre les trois hommes furent considérées comme des échecs relatifs, Spielberg ayant produit leur précédent film, soit I Wanna Hold Your Hand et Used Cars. Ce sera à cette époque que Robert Zemeckis se verra remettre entre les mains le projet du film Romancing the Stone qu'il acceptera de réaliser. Contre toute attente, le film fut un succès important, ce qui donnera à Zemeckis suffisamment de crédibilité pour revenir à son projet de Back to the Future. En voulant aux différents studios qui avaient rejeté ce projet, Zemeckis se tournera finalement vers Spielberg, qui avait alors créé sa propre société de production, soit Amblin Entertainment. Faisant affaire avec les studios Universal, où Frank Price travaillait à titre de président depuis novembre 1983, Spielberg demandera à Sidney Sheinberg de superviser l'investissement du studio dans le projet, alors que les co-dirigeants d'Amblin Pictures, Kathleen Kennedy et Frank Marshall, rejoindront Spielberg en tant que producteur exécutif du long-métrage. Mais les droits cinématographiques de Back to the Future étaient restés la propriété des studios Columbia Pictures, ce qui empêchait alors le projet d'évoluer. Cependant, le successeur de Frank Price chez Columbia Pictures, Guy McElwain, développait une satire du film noir Double Identity dont les droits appartenaient au studio Universal. Intitulée Big Trouble, cette comédie comprenait plusieurs similitudes avec le film de 1944, ce qui signifiait alors que Columbia Pictures violait les droits d'auteur des studios Universal Pictures. La production étant imminente, McElwain demandera les droits à Price, qui lui, en échange, exigera les droits de Back to the Future. Sheinberg demandera à changer le titre de Back to the Future pour celui de Spaceman of Pluto, estimant que le titre actuel ne trouverait pas un écho auprès du public. Ne sachant pas comment rejeter les suggestions de celui-ci, sans risquer sa colère, Gill et Zemeckis demanderont alors à Spielberg de s'en occuper. Sheinberg demandera en échange que le nom de la mère de Marty, qui à ce moment-là était Meg, soit changé pour celui de Lorraine, un hommage à sa femme, la comédienne Lorraine Gary, et également renommer le professeur Brown en Doc Brown parce qu'il considérait que ce nom aurait beaucoup plus d'impact. La troisième version du scénario sera alors achevée en juillet 1984, selon développement, permettant ainsi à Gill et Zemeckis de bien raffiner les blagues de leur script. Pour la distribution, l'acteur Michael J. Fox fut le premier choix pour incarner Marty McFly. Gill et Zemeckis pensaient que le timing comique de l'acteur dans le sitcom du poste de télévision NBC Family Ties serait parfait pour le personnage de Marty. Spielberg demandera alors au producteur de la série Gary David Goldberg de demander à Fox de lire le scénario. Craignant que l'absence de Fox nuise au succès de Family Ties, alors que son actrice principale Meredith Baxter était en congé de maternité, Goldberg refusera la demande. Cela forcera alors la production à évoluer d'autres jeunes vedettes pour le rôle principal. Ce sera le jeune acteur C. Thomas Howell qui sera alors le favori pour obtenir le rôle, mais ce sera finalement Sidney Sheinberg qui suggérera fortement l'acteur Eric Stoltz. Avec la date de début de tournage qui approchait rapidement, Zemeckis optera alors pour Stoltz. Pour le rôle de Doc Brown, ce sera le producteur Neil Canton qui fera la suggestion de l'acteur John Lithgow, venant tout juste de travailler avec ce dernier et Christopher Lloyd sur « The Adventures of Buckaroo Banzai Across the Eighth Dimension ». Malheureusement pour lui, Lithgow n'était pas disponible et c'est alors que Canton et Zemeckis proposeront le rôle à Lloyd. L'acteur sera réticent à rejoindre la production au début, mais sera finalement convaincu par un ami proche. Les cinéastes découvriront l'actrice Leah Thompson en regardant le travail de leur acteur principal dans la comédie dramatique The Wild Life, sortie en salle en 1984. Pour le personnage de George McFly, ce sera l'acteur Crispin Glover qui sera retenu, le comédien, utilisant bon nombre de ses propres manières pour incarner le personnage. Pour le rôle de Biff Tannen, le comédien J.J. Cohen sera initialement approché, mais ne sera pas considéré comme étant assez intimidant contre Stoltz, le rôle allant alors au comédien Thomas Wilson, qui avait fait ses débuts cinématographiques dans le film Ninja Surf. Le nom de Tannen vient de Ned Tannen, directeur d'Universal Studios, qui avait été désagréable avec Gale et Zemeckis lors de leur toute première présentation du projet au studio. L'actrice Melana Hardin sera par la suite choisie pour incarner le personnage de Jennifer Parker, la petite amie du personnage de Marty McFly. Cette dernière obtiendra le rôle dans le cadre d'un contrat d'exclusivité de deux films avec les studios Universal. L'animal de compagnie de Doc Brown, un chien nommé Einstein, était à l'origine un chimpanzé nommé Champ. Ce sera Sheinberg qui changera ce concept, ce dernier insistant sur le fait que les films mettant en vedette des chimpanzés ne fonctionnaient pas bien au cinéma. Finalement, le chanteur Huey Lewis fera un caméo en tant que juge du Battle of the Bands, le musicien acceptant d'apparaître dans le film tant qu'il n'était pas crédité au générique et seulement à condition qu'il porte un déguisement. Conçu à l'origine comme un appareil stationnaire, Spielberg opposera son veto à l'idée et ce sera finalement Zemeckis qui suggérera la fameuse DeLorean parce que le véhicule offrait une mobilité et un design unique. Le véhicule avait été inventé en 1975, mais la compagnie DeLorean Motor Corporation déclarera faillite en 1982. La voiture du film sera alors développée sous la supervision de Lawrence Paul, qui fera la conception avec l'aide de l'artiste Ron Cobb et de l'illustrateur Andrew Probert. Michael Fink, qui avait travaillé précédemment sur Blade Runner et Buckaroo Banzai, sera par la suite embauché par Paul et Canton comme agent de liaison du département artistique et chargé de réaliser les croquis de Cobb et de superviser la construction de la voiture. Trois DeLorean seront alors achetées auprès d'un collectionneur, soit une pour les cascades, une pour les effets spéciaux et une version plus détaillée pour les gros plans. Malheureusement, les trois véhicules ne seront pas fiables, tombant souvent en panne durant la production. Quant à la vitesse de 88 000 à l'heure, celle-ci fut choisie comme vitesse de voyage dans le temps car elle était facile à retenir et paraissait bien sur un compteur de vitesse. Pour la scène finale, où apparaît la DeLorean volante, celle-ci sera réalisée grâce à une combinaison de séquences d'action réelles, d'animation et d'un modèle du véhicule d'environ 33 pouces de long qui sera construit par Steve Gawley et son équipe de l'atelier de modélisme. Possédant un budget initial de plus de 14 millions, le tournage débutera le 26 novembre 1984 avec un calendrier de plus de 14 semaines, ce tournage devant se terminer le 28 février 1985. Le tournage aura principalement lieu dans les studios Universal et en Californie, et ce sera Dean Condy qui sera embauché comme directeur de la photographie, ce dernier ayant collaboré avec Zemeckis sur Romancing the Stone. En raison du calendrier de production serré, le réalisateur demandera que le montage se déroule en même temps que le tournage. Grâce à cela, Zemeckis se rendra rapidement compte que le jeu d'Eric Stoltz, son acteur principal, ne fonctionnait pas, ce dernier interprétant son rôle avec un ton intense et sérieux, alors qu'une intensité farfelue était nécessaire pour que le film fonctionne. De plus, Stoltz restait dans le personnage de Marty lorsqu'il ne tournait pas, refusant de répondre à son propre nom, ce qui aboutira à des querelles avec certains membres de la distribution et de l'équipe de production. Voyant son projet en danger, Spielberg reviendra alors à la charge envers Goldberg afin d'obtenir les services de Michael J. Fox. Ce dernier acceptera, l'actrice Meredith Baxter étant entre-temps revenue sur le plateau de tournage de la série Family Ties. Fox acceptera et se sent lire le scénario, ce qui forcera alors le réalisateur Robert Zemeckis à licencier l'acteur Eric Stoltz au début de janvier 1985. Suite à cette décision, les producteurs informeront les membres de la distribution et le reste de l'équipe de production qu'une grande partie du film devait être refaite. Le tournage prit alors du retard, avec 34 jours de tournage perdus et un coût supplémentaire de 4 millions de dollars, ce qui incluait l'intégralité du salaire de Stoltz que l'acteur recevra en guise de remerciement pour son travail accompli. Mais ce changement en apportera un autre. En effet, l'actrice Melora Hardin, qui interprétait le personnage de Jennifer Parker, sera alors remplacée car la comédienne était beaucoup plus grande que Fox. Zemeckis embauchera alors la jeune actrice Claudia Wells, qui avait auparavant refusé le rôle en raison de son engagement dans la série télévisée Hop the Rack. Et donc, moins de 5 jours après le retrait de Stoltz, Michael J. Fox se retrouvera sur le plateau de tournage de Back to the Future, tournant ses séquences de nuit après avoir filmé ses séquences dans le jour pour la série Family Ties. Souvent, le jeune acteur ne rentrait chez lui que tôt le lendemain matin, les chauffeurs chargés de déposer Fox à sa résidence devant souvent porter l'acteur jusqu'au lit. Cela durera jusqu'à la fin du tournage du long-métrage en avril 1985. Bien que le jeune acteur aura une énergie débordante durant ses scènes, Fox aura du mal à rester éveillé en dehors du plateau de tournage et devait même improviser quelques lignes lorsqu'il oubliait le dialogue prévu. En plus de son texte, Fox dut apprendre à imiter le jeu de la guitare électrique et à chorégraphier les routines de skateboard enseignées par Per Willander et Bob Schmelzer. Un autre changement, qui surviendra avec l'arrivée de Fox, l'acteur Christopher Lloyd dut adopter une posture voûtée pour abaisser sa hauteur de 6 pieds et 1 pouce et ainsi paraître moins imposant pour Fox lorsque les deux partageront une scène. Pour compenser ces horaires conflictuels et réduire les coûts de production, certaines scènes impliquant le personnage de Marty McFly ont été tournées sans Fox, qui filmera alors son rôle séparément. Cependant, dès le moment où Fox remplacera Stoltz, l'atmosphère sur le plateau de tournage s'améliorera grandement. La Tour de l'Horloge était une structure située sur le terrain d'Universal Studios à Universal City, en Californie. Ce sera le décorateur Lawrence Paul qui insistera pour utiliser les décors sur le lot des studios Universal en raison des difficultés et des coûts impliqués pour donner à cette zone un aspect approprié à 1955. D'ailleurs, la ville sera construite en se servant des mêmes lieux qui furent déjà utilisés pour une autre production de Steven Spielberg, soit le film Gremlins du réalisateur Joe Dante. De véritables noms de marques tels que Texaco furent utilisés pour rendre les décors plus réalistes et les producteurs ont exigé l'inclusion de certaines marques qui avaient payé pour apparaître dans le film. Pour l'affiche promotionnelle de la comédie de science-fiction, ce sera l'artiste populaire Drew Struzan qui produira celle-ci, les producteurs espérant que ses œuvres très demandées suscitent davantage d'intérêt pour leur long métrage. Les studios Industrial Light and Magic s'occuperont des effets spéciaux sous la supervision de Ken Ralton et Kevin Pike. Seulement une trentaine de plans d'effets spéciaux seront alors réalisés, les films contemporains à plus gros budget de cette époque en contenant en moyenne plus de 300. Bien qu'il ait travaillé simultanément sur The Goonies et Cocoon, Ralston a pris en charge ce projet car il nécessitait relativement peu d'effets et il désirait travailler sur cette production intrigué par le concept original. L'équipe de ILM ne bénéficiera que d'un calendrier de 9 semaines pour la réalisation des effets avant la sortie du long-métrage en salle. Ce calendrier serré affectera la qualité de certains effets spéciaux, dont la séquence où la main de Marty disparaît alors que son avenir avait été modifié. Pour le vieillissement des acteurs, ce sera l'artiste des effets spéciaux Ken Chase qui sera chargé de réaliser les maquillages, ce dernier ayant du mal à équilibrer le vieillissement des acteurs et à conserver suffisamment de leur apparence naturelle pour que ces derniers restent reconnaissables. Durant la production, l'acteur Crispin Glover perdra la voix, forçant alors ce dernier à redoubler en post-production certaines de ses lignes. Le tournage se terminera après 107 jours, soit le 26 avril 1985. Arthur Rippola sera responsable de la supervision de la post-production, ce dernier étant également devenu responsable des budgets, du storyboard et de la résolution générale de certains problèmes. Ses rôles appartenaient normalement à Kathleen Kennedy et Frank Marshall, mais tous deux étaient occupés sur The Color Purple du réalisateur Steven Spielberg. Une projection test de Back to the Future sera montée au Century 22 de San Jose en Californie à la mi-mai 1985, 3 semaines seulement après la fin du tournage. 94% du public ont répondu qu'ils recommandaient ce film, alors que 99% jugèrent le long-métrage très bon ou excellent. Le film sera tout de même recoupé et projeté à nouveau au Théâtre Alfred Hitchcock des studios Universal pour les dirigeants des studios, dont Sheinberg, qui fut tellement impressionné par le produit final qu'il devancera la date de sortie prévue au 3 juillet 1985 pour donner plus de temps à la diffusion du film dans les salles pendant la haute saison estivale. Le montage final sera achevé le 23 juin 1985 avec un budget final de plus de 19 millions de dollars, soit 5 millions de plus que le budget initial. Du côté musical, ce sera le compositeur Alan Silvestri qui sera embauché pour écrire la partition musicale de la comédie de science-fiction, ce dernier ayant travaillé avec Zemeckis sur Romancing the Stone. Le chanteur Huey Lewis fut approché pour écrire la chanson thème du film, ce dernier venant de connaître le succès avec son plus récent album, Sports. Initialement, Gale Spielberg et Zemeckis voulaient que le groupe Huey Lewis and the News soit le groupe préféré de Marty McFly. Bien que flatté, Lewis n'a pas voulu participer car il ne savait pas écrire des chansons de film et ne voulait pas en écrire une intitulée Back to the Future. Zemeckis sauvera alors la situation en donnant l'autorisation au chanteur-compositeur d'écrire n'importe quelle chanson qu'il voulait, Lewis lui soumettant alors la chanson qu'il avait écrite et qui s'intitulait « The Power of Love ». Adorant la dite chanson, Zemeckis demandera une deuxième chanson qui deviendra alors « Back in Time ». Ce sera le musicien Eddie Van Halen qui interprétera le segment de guitare que Marty, déguisé en extraterrestre, fera écouter au George des années 50 afin de le réveiller de son sommeil. Les cinéastes voulaient utiliser la musique de Van Halen pour le film original, mais le groupe refusera, forçant alors Eddie à y participer seul. Ce sera le chanteur Mark Campbell qui fournira la voix chantée de Marty pour la chanson « Johnny Be Good », mais ce dernier ne recevra aucun crédit au niveau du générique car les producteurs voulaient faire comme si Fox avait réellement chanté. Lorsque le superviseur musical de l'album du film Bones Howie apprendra cela, il obtiendra pour Campbell un petit pourcentage des revenus de la vente de la bande originale à titre de compensation. Le musicien Chuck Berry refusera cependant l'utilisation de sa chanson « Johnny Be Good » pour la dite séquence, et ce, jusqu'à la veille du tournage, recevant alors plus de 50 000 $ pour ses droits. En juin 1985, l'industrie cinématographique avait connu une baisse de 14 % des ventes de billets par rapport aux ventes records de 4 milliards de $ de l'année précédente. La période estivale, qui commençait durant la dernière semaine du mois de mai, comptait la sortie de plus de 45 films, dont Rambo First Blood Part 2, The Goonies, Cocoon, Mad Max Beyond Thunderdome, Fletch, Fright Night et le dernier film de James Bond, A View to a Kill. La quantité de gros titres fera craindre parmi les professionnels de l'industrie que la compétition ne divise le public et limite les rendements financiers. Initialement, Back to the Future devait sortir en mai 1985, mais sera repoussé au 19 juillet, puis au mois d'août, avant que finalement Sheinberg devance la date de sortie au 3 juillet. Cette décision permettra au long-métrage d'obtenir environ 100 000 projections supplémentaires au niveau international pour une valeur de revenu totale qui était alors estimée à plus de 40 millions de $. Ce changement nécessitera des renégociations avec les propriétaires de salles pour sécuriser les écrans sur un marché déjà encombré. Malheureusement pour la production, Michael J. Fox ne sera pas disponible pour faire la promotion du film car ce dernier se trouvait à Londres, en Angleterre, pour le tournage d'un épisode spécial de la série Family Ties, intitulé Family Ties Vacation. Back to the Future sera diffusé dans plus de 1420 salles en Amérique du Nord, amassant des recettes de 14,9 millions de $ lors de son week-end inaugural, terminant en première place du box-office devant Pearl Rider de Clint Eastwood et Rambo First Blood, qui en était rendu à sa 7e semaine. Le film conservera sa première place au box-office lors de son deuxième week-end avec plus de 10,6 millions de dollars additionnels, devançant ainsi Mad Max Beyond Thunderdome et Coco. Il gardera de nouveau la tête du box-office lors de sa troisième semaine, et ce malgré la ressortie en salle du film E.T. The Extraterrestrial de Steven Spielberg. Au final, Back to the Future demeura en première place du box-office pendant 12 de ses 13 premières semaines, n'étant déclassé de sa première place que par National Lampoon's European Vacation. Le film restera un succès constant, gagnant plus de 210,6 millions de dollars en Amérique du Nord et plus de 170,5 millions dans le reste du monde. Back to the Future aura plusieurs ressorties en salle pour célébrer des anniversaires, y compris une version remasterisée projetée en salle en 2010, ce qui portera à plus de 388,8 millions de dollars le montant d'argent amassé au box-office mondial. Le film recevra 4 nominations à la 43e édition des Golden Globe Awards, soit une pour le meilleur film, une pour le meilleur acteur dans un film, une pour la meilleure chanson originale, soit The Power of Love, et une pour le meilleur scénario. Le long-métrage remportera également le prix du film préféré du public lors de la 12e édition des People's Choice Awards. Aux Oscars de 1986, Back to the Future recevra un prix pour le meilleur montage d'effets sonores et obtiendra 3 autres nominations, soit celui du meilleur scénario original, meilleur son, ainsi que meilleure chanson originale pour The Power of Love. Lors de la 39e cérémonie des British Academy Film Awards, la comédie de science-fiction recevra plus de 5 nominations, dont celle du meilleur film, meilleur scénario original, meilleurs effets spéciaux, meilleur décor et meilleur montage. Pour la 13e cérémonie des Saturn Awards, le film remportera 3 prix, soit le meilleur film de science-fiction, le meilleur acteur et les meilleurs effets spéciaux. Il remportera également le prix Hugo de la meilleure présentation dramatique au niveau de la scénarisation. À l'échelle internationale, le film amassera également le prix du meilleur producteur étranger et d'un meilleur scénario étranger au prix David di Donatello en Italie. Il remportera également le prix du meilleur film étranger et du meilleur film à l'Académie japonaise. Et finalement, le film remportera le Goldene Leinwand en Allemagne pour avoir vendu plus de 3 millions de billets au cours de ses 18 premiers mois. Suite à la sortie du film, McFly Incorporated, une chaîne de restaurants et de bars basée sur la légende d'une famille McFly fictive, attrayante et héroïque, poursuivra Universal Pictures pour avoir déformé le nom McFly avec des personnages physiquement peu attrayants, peu élégants et sans grâce. Bien que les propriétaires de la chaîne de restaurants aient demandé des dommages-intérêts et une injonction contre l'utilisation du nom McFly, ce sera les studios Universal qui gagneront la cause, permettant de conserver le nom des personnages de la famille McFly dans le film et ses suites. Back to the Future est considéré comme un monument du cinéma américain et l'un des plus grands films jamais réalisés. En 2004, le New York Times l'a classé parmi les 1000 meilleurs films de tous les temps. L'année suivante, son scénario fut classé comme le 56e meilleur scénario par la Writers Guild of America. Pendant le reste des années 2000, il est apparu dans les listes des 50 films à voir avant de mourir du magazine Film 4, celle des 500 plus grands films de tous les temps du magazine Empire, et l'American Film Institute l'a classé au 10e rang des meilleurs films de science-fiction. En 2010, le magazine Total Film l'a nommé l'un des 100 plus grands films jamais réalisés, et l'année suivante, il sera élu par les auditeurs du BBC Radio 1 et du BBC Radio 1 Extra comme leur 4e film préféré de tous les temps. Du côté des points forts, eh bien, Back to the Future possède un scénario intelligent qui est écrit d'une main de maître, le tout soutenu par une réalisation et une interprétation des plus dynamiques. Le long-métrage nous présente ici une histoire de voyage dans le temps des plus originales d'une façon mature pour combler l'auditoire mature, mais assez bon enfant pour plaire aux tout-petits. Mélangeant avec astuce, humour et action, le film est rempli d'amusants jeux de mots et de belles leçons de vie. La distribution est ici parfaite, chaque comédien apportant une touche personnalisée qui rend tous les personnages du film intéressants. Du côté de Fox et Lloyd, la chimie entre les deux permet au film de fonctionner, Fox étant hilarant, alors que Lloyd interprète à merveille ce scientifique excentrique. L'introduction du film fait très Spielberg et le rythme va un train d'enfer, gardant l'intérêt constant du spectateur, même dans les moments les plus tranquilles, et faisant de ce spectacle une œuvre des plus divertissantes. La musique iconique de Silver Street est parfaite pour ce type de produit, le compositeur sachant injecter une énergie additionnelle à travers l'action. Mais du côté des points faibles, eh bien, par moments, l'interprétation de Back to the Future fait très théâtrale, voire même hyper caricaturale, le tout au service de l'image et de la mise en scène cinématographique, ce qui ajoute à l'aspect divertissement, mais qui enlève quelque peu à l'effet crédibilité de l'histoire. Les effets spéciaux sont de qualité inégale, tantôt exceptionnels, mais par moments semblant totalement inachevés ou de basse qualité. À la conclusion du segment d'histoire en 1955, et de la tentative de Marty de retourner dans le présent, la séquence est interminable, nous donnant fortement l'impression que la DeLorean ne va pas si vite que ça pour une voiture qui roule à plus de 88 000 à l'heure. Parlant de conclusion, Back to the Future aurait dû se terminer à cet endroit et laisser le reste de l'histoire être imaginé par le spectateur, les deux films suivants n'arrivant jamais à égaler la créativité et l'amusement de ce premier volet. Finalement, le concept de disparaître tranquillement de la réalité permet au réalisateur de monter son suspense, mais dans la réalité, dès que Marty a changé le passé de ses parents, ce dernier aurait dû immédiatement disparaître de cette réalité. Mais que cela ne dérange, Back to the Future demeure un divertissement de première qualité qui sera fortement amusé son public. Du côté de la musique, eh bien c'est le compositeur américain Alan Silvestri qui s'occupe ici de la trame sonore, lui qui avait réalisé la musique des films Predator, Cat's Eye, Delta Force et Forrest Gump. On peut retrouver la trame sonore de Back to the Future en cassette audio, elle qui est sortie en 1985. On peut également la trouver en CD, qui est sortie sous l'étiquette MCA Record le 25 octobre 1990. On a également Back to the Future, The Expanded Score, qui est sorti sous l'étiquette Intrada le 23 novembre 2009. On a la trame sonore de Back to the Future, la trame sonore instrumentale, qui est sortie le 12 octobre 2015 sous l'étiquette Intrada. Finalement, on a également Back to the Future Trilogy Box Set, qui est bien sûr la trame sonore des trois films. Vous avez un vinyle qui est sorti le 24 mars 2016 sous l'étiquette Mondo et vous avez un CD qui lui est sorti sous l'étiquette Varese Sarabande le 21 septembre 1999. De plus, vous trouverez également le vinyle de la trame sonore de base de Back to the Future qui a été sorti en février 2016 sous l'étiquette Mondo. And now, before the next show starts, let's enjoy an intermission. You'll find our snack bar chock full of good things to eat and drink. Tasty, tempting hot dogs, thirst-quenching soft drinks, fresh, crunchy popcorn, a complete assortment of delicious candy, and a full line of cigarettes. You've plenty of time, so visit the snack bar now. A tasty treat will double your enjoyment of the show. For your convenience, we shall keep you informed of the remaining intermission time, 3 minutes before the next show starts. You sure about this? Yep. Well, here goes nothing. All right, we made it. So this is the future? In the year 2015. I haven't eaten in 25 years. Pizza. What about that place that delivers? Yeah. What happened to them? What kind of future is this? Yeah, there's no pizza anywhere. What a drag. Officer? Where do you get pizza around here? Turn around, guys. In the future, like today, there's really only one place to get a great pizza. Pizza Hut. Wow, nice look, guys. Very 80s. Pizza Hut! Making it great! Sweet. Will we be like that in the future? Of course. The sun will always shine on us. What? Where are we? What did you do? Me? Nothing. Just drive. Drive. I want to call Mum. Calling Mum. Who was that? So, what do we do now? Look, there's a map here. Map on a little TV. Calculating the route. I think this is a space-time navigator. What kind of car is this? See that? What was it, a bicycle? Whoa. It brought me back into the lane. Well, in case you've forgotten, darling, we need to be home by dinner time, whatever happens. Okay. Let's go. No. It asked me to slow down. This car seems better than you, hey? How are we for petrol? We could do this till night. This is where we live. And look! It's us! Hand in hand. But that's not me! But of course it was you. That's absolutely not me! Reached your destination. Come on. It's just something that you made up in your head. Huh? It's her! I've never seen that girl in my life. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. On est de retour. On est de retour. Vous voulez dire qu'on est dans le futur? Nous sommes au mois d'octobre 2015. Marty, on va pouvoir assister à notre mariage. Wow. Le futur, c'est pas croyable. Regarde ce qui arrive à ton fils. Mais c'est une vraie poule mouillée. N'adresse la parole à personne. Mon viette. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne touche à rien. Tu me prêtes ton... Overboard? Ah! Essaie de ne pas regarder autour de toi. Je n'ai pas inventé la machine à voyager dans le temps pour gagner au jeu. Avec ça, je peux pas perdre. Si, je l'ai inventé pour voyager dans le temps. Doc, je vous dis pas le contraire, mais ça mettra un peu de beurre dans les épinards. Une rupture du continuum espace-temps a produit un 1985 différent de celui où nous sommes. J'ai vraiment l'impression d'être en enfer. Non, l'état il valait, bien que je ne vois pas comment l'enfer pourrait être pire. Allez ça dans les gencives, tocard ! Biff ? Allô ? Hey ! Y a quelqu'un au bout du fil ? Maman ? C'est pas possible, tu as tellement... grossi ? Nom de Dieu ! Ouais, c'est super, maman. On sent pas comme si on avait 15 ans, tu vois ? Maman, c'est toi ? Back to the Future Part 2, ou Retour vers le futur 2, est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios Universal Pictures le 22 novembre 1989. Ce film américain d'une durée de 108 minutes a coûté 40 millions de dollars à produire et a amassé plus de 332,5 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Robert Zemeckis, ce metteur en scène américain qui nous avait donné les films Who Framed Roger Rabbit et Death Becomes Her. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve de nouveau le producteur américain Bob Gale, lui qui avait produit la télésérie Back to the Future, The Animated Series, et le film Used Cars, ainsi que le producteur américain Neil Kenton, lui qui avait produit le film The Adventures of Buckaroo Banzai, Across the Eighth Dimension. Au poste de producteur, eh bien, c'est le scénariste américain Bob Gale qui s'occupe de l'écriture, lui qui avait écrit le film Trespass et également quelques épisodes de la série télé Tales from the Crypt. Au niveau de la distribution, on y retrouve Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Thomas Wilson, Elizabeth Shue, Jeffrey Wiseman, James Tolkien et Billy Zane. Grâce à une machine à voyager dans le temps, un adolescent doit se rendre de nouveau en 1955 afin d'annuler la cause d'un bouleversement historique provoqué par un vieillard lors d'une expédition antérieure en l'an 2015. À l'origine, aucune suite n'était prévue pour le premier film. Cependant, suite à l'énorme succès au box-office de ce dernier, Robert Zemeckis acceptera de travailler sur la conception d'un deuxième opus, mais seulement si Michael J. Fox et Christopher Lloyd revenaient également. Une décision sera alors prise de la part des dirigeants de Universal Pictures de placer une image additionnelle à la conclusion du film Back to the Future lors de sa sortie en vidéocassette, une image sur laquelle sera marqué « To be continued ». Ce sera d'ailleurs à ce moment que l'acteur Michael J. Fox découvrira l'existence possible d'une suite et contactera immédiatement Zemeckis afin de confirmer sa participation au projet. Une fois que l'acteur Christopher Lloyd fut confirmé, Zemeckis rencontrera alors son partenaire scénariste Bob Gale afin de créer une histoire pour cette continuité. De plus, les deux hommes s'empresseront de récupérer tous les costumes et les accessoires existants du premier film, tout en sécurisant les lieux de tournage utilisés dans le film original. Gale écrira lui-même la majeure partie de la première ébauche du scénario, car Zemeckis était occupé sur la réalisation de Who Framed Roger Rabbit. À l'origine, le troisième acte de ce long-métrage devait se dérouler en 1967, mais Zemeckis trouvait que les paradoxes temporels offriraient une plus belle occasion de revenir de nouveau en 1955 et ainsi voir les événements du premier film sous un angle différent. Alors que la majorité de la distribution originale était de retour pour ce second volet, des problèmes surviendront lors des négociations avec l'acteur Crispin Glover afin que ce dernier reprenne le rôle de George McFly. Lorsque ces problèmes surviendront, Gale écrira une version du scénario dans lequel le personnage de George était décédé lorsque l'action serait de retour dans une version alternative de 1985. Les raisons de la mésentente entre Glover et les producteurs concernaient principalement le salaire du comédien. En effet, l'offre des producteurs était de 125 000 $ pour son travail, soit moins de la moitié de ce que les autres membres de la distribution avaient reçu. Les exigences de Glover, au niveau salarial, étaient considérées excessives par les producteurs pour un acteur de sa stature professionnelle à cette époque, ce qui mettra alors un terme aux négociations. Au final, plutôt que d'exclure le personnage de George McFly de l'histoire, le réalisateur utilisera des images précédemment filmées de l'acteur dans le premier film, ainsi que de nouvelles images avec l'acteur Jeffrey Wiseman, qui portera alors des prothèses comprenant un faux menton, un faux nez, et des pommettes afin de ressembler à Glover. Diverses autres techniques furent utilisées pour masquer les images de Wiseman, comme le placer à l'arrière-plan plutôt qu'en premier plan et lui faire porter des lunettes de soleil. Ayant donné sa bénédiction au tournage, Glover apprendra plus tard que des moules créés lors de la production du premier film à partir de son visage pour fabriquer les prothèses vieillissantes de George McFly en l'an 1985 furent réutilisés pour fabriquer les prothèses du portrait de Wiseman. Mécontent de cela, Glover intentera alors une action en justice de plus de 1 million de dollars contre Universal Studios, Amblin Entertainment et U-Drive Production, car il considérait que ces derniers n'avaient pas la permission d'utiliser son portrait. L'action en justice de Glover sera résolue en dehors des tribunaux. À la suite de ce procès, des clauses dans les conventions collectives de la Screen Actors Guild stipulant que les producteurs et les réalisateurs ne sont nullement autorisés à utiliser de telles méthodes pour reproduire l'image d'un comédien, seront ajoutées aux différents contrats de production. Cette action en justice sera également considérée comme une affaire clé en matière de droit d'utilisation de la personnalité des acteurs et de leur visuel, en rapport avec le recours croissant aux effets spéciaux et aux techniques numériques améliorées. Pour l'actrice Claudia Wells, cette dernière avait prévu de reprendre son rôle de Jennifer Parker, la petite amie de Marty, mais tout juste avant le début du tournage, la mère de cette dernière lui annoncera être atteinte d'un cancer, forçant alors l'actrice à se retirer du projet afin de s'occuper d'elle. Après que les producteurs aient choisi la comédienne Elizabeth Shue pour la remplacer, Zemeckis prit la décision de retourner toutes les scènes finales du premier film, presque plan par plan, pour le début de la deuxième partie. Wells reprendra plus tard son rôle de Jennifer, soit 26 ans après sa dernière apparition dans le film original, fournissant la voix de son personnage pour Back to the Future, The Game, de la compagnie Telltale Games en 2011. Le jeune Elijah Wood fera ses débuts sur le grand écran ici, ce dernier interprétant l'un des deux garçons auxquels Marty apprend à jouer au jeu vidéo Wild Gunman. Lors de l'écriture du scénario de la deuxième partie, Gill et Zemeckis furent quelque peu préoccupés par la représentation de l'avenir en raison du risque de faire des prédictions extrêmement inexactes. Ce sera à ce moment que la décision fut prise de tourner Back to the Future 2 et 3 consécutivement. Un budget de plus de 80 millions de dollars pour les deux films sera alors négocié, le tournage consécutif des deux films permettant ainsi aux producteurs d'économiser entre 10 et 15 millions de dollars au total. Le plus grand défi du second film sera la création donc de la vision futuriste de la ville natale de Marty en 2015. Le décorateur Rick Carter souhaitait créer une image très détaillée avec un ton différent de celui qu'il utilisa pour le film Blade Runner. Carter et son équipe passeront des mois à planifier et préparer la transformation de Hill Valley en une ville du futur, et ce, alors que ceux-ci n'avaient aucun scénario avec lequel travailler. 2 ans seront nécessaires pour terminer la construction des décors et écrire le scénario final afin de pouvoir commencer le tournage qui débutera alors le 20 février 1989. Tout comme le premier film, Michael J. Fox devait tourner de jour ses scènes de la dernière saison de sa série télévisée Family Ties, alors qu'il devra, pendant plus de 6 semaines, tourner ses séquences pour Back to the Future 2 de soir et de nuit. Pendant une période de 3 semaines, vers la fin du tournage, l'équipe sera alors séparée, la plupart se consacrant au tournage de la troisième partie, alors que le reste se concentreront sur la finalisation de la deuxième partie. Zemeckis lui-même ne dormait que quelques heures, ce dernier travaillant plus de 18 heures par jour. Il se devait de superviser les deux films, devant voler entre Burbank, où il était en cours de finalisation de la deuxième partie, et vers d'autres endroits en Californie, afin de tourner des séquences pour la troisième partie. Le tournage de la seconde partie se terminera le 2 août 1989. Back to the Future 2 fut considéré comme l'un des projets les plus novateurs d'Industrial Light and Magic. En effet, c'était l'une des premières incursions de la maison d'effets spéciaux dans la composition numérique avec le système de caméra de contrôle de mouvement VistaGlide qui leur permettra de filmer l'une des séquences les plus complexes du film dans lequel Fox jouait plus de 3 personnages distincts dans la même scène, soit Marty Senior, Marty Jr. et Marlene. Bien que de telles scènes ne soient pas nouvelles, le système VistaGlide permettait pour la première fois une scène complètement dynamique dans laquelle le mouvement de la caméra pouvait enfin être incorporé. Ce sera Robert Zemeckis qui demandera aux techniciens de Industrial Light and Magic de modifier la caméra pilotée par ordinateur qu'ils avaient utilisée dans les scènes entre acteurs réels et personnages animés sur Who Framed Roger Rabbit, afin que cette dernière donne des images plus mobiles et fluides, de là la naissance du nouveau système VistaGlide. Ayant été un nouveau venu relativement peu expérimenté lorsqu'il fut embauché pour composer la musique originale de Back to the Future, Alan Silvestri était en 1989 un compositeur chevronné d'œuvres aussi remarquables que Predator, Who Framed Roger Rabbit et The Abyss et était fermement établi sur la liste A d'Hollywood. Ce ne sera donc pas une surprise pour lui lorsque Zemeckis l'approchera pour la musique des 2 derniers films de la franchise. Back to the Future 2 sortira en salle en Amérique du Nord le mercredi 22 novembre 1989, la veille du Thanksgiving. La comédie de science-fiction empochera la modique somme de 27,8 millions de dollars lors du week-end d'ouverture et plus de 43 millions de dollars au cours des 5 jours d'ouverture des vacances, battant le précédent record du Thanksgiving établi par Rocky IV en 1985. Le week-end suivant, le film restera en tête du box-office malgré une baisse de plus de 56%, gagnant 12,1 millions de dollars additionnels. Au final, le long-métrage amassera plus de 118,5 millions de dollars en Amérique du Nord et un 213 millions de dollars additionnels à l'étranger, se classant au 6e rang des films les plus réussis de 1989 au niveau nord-américain et au 3e rang mondial, tout de suite derrière Indiana Jones and the Last Crusade et Batman. Le film rapportera le Saturn Award des meilleurs effets spéciaux, le BAFTA Award des meilleurs effets visuels, remportera un Golden Screen Award, un Young Artist Award et également les Blimp Awards pour l'acteur de cinéma préféré, soit Michael J. Fox, ainsi que l'actrice de cinéma préférée en la personne de Lea Thompson. Le film sera également nominé en 1990 pour l'Oscar des meilleurs effets visuels, mais perdra aux mains de The Abyss. À titre promotionnel, des versions jouets de la DeLorean furent vendues dans plus de 400 magasins Toys R Us à travers les États-Unis à l'occasion de la sortie du film, et John DeLorean, le créateur du véhicule, allait recevoir plus de 5% des bénéfices de vente de ses jouets. Également pour promouvoir Back to the Future 2, 3 panneaux d'affichage avec des horloges numériques géantes comptant les heures à rebours jusqu'à l'ouverture du film avaient été érigés, soit 2 à Los Angeles et une autre au Times Square de New York. D'autres articles promotionnels comprenaient des lunettes de soleil futuristes offertes avec certains éléments du menu chez Pizza Hut, ainsi qu'une romanisation écrite par l'auteur Craig Gardner et disponible en librairie en octobre 1989. Bien que les cinéastes aient étudié les prédictions contemporaines des scientifiques sur ce qui pourrait se produire d'ici 2015, Zemeckis a déclaré que le film n'était pas censé être une tentative sérieuse de prévenir l'avenir. Cependant, le film prédira correctement un certain nombre de changements technologiques et sociologiques, notamment l'essor des caméras omniprésentes, l'utilisation des drones volants sans pilote pour la collecte d'informations, le téléviseur à écran plat, grand écran fixé au mur et offrant plusieurs chaînes, la technologie de maison intelligente, le jeu vidéo main libre, les panneaux d'affichage animés parlants, la technologie portable, des ordinateurs en forme de tablette équipés de scanners d'empreintes digitales et finalement d'écrans montés sur la tête. De plus, le paiement sur des appareils portables personnels était également représenté dans le film. De plus, le film montre Marty enfilant des chaussures de tennis Nike Air Mag avec lacets automatiques. Nike a publié une version de ses chaussures Hyperdunk Supreme en juillet 2008. En avril 2009, la compagnie déposera le brevet pour des chaussures à lassage automatique et leur design ressemble à ceux portés par Marty dans le film. Bien que Nike ait fabriqué une quantité très limitée d'Air Mag dans le même style que le film, ils ont déclaré en septembre 2011 que leur gamme de chaussures Mag grand public ne comporterait pas la fonction de lassage automatique qui y était présentée. En mars 2016, Nike a dévoilé la chaussure HyperAdapt 1.0, un modèle grand public de l'Air Mag doté de la même technologie de lassage automatique que celle utilisée par les Air Mag commémoratifs, ceux-ci étant mis en vente en quantité limitée à la fin de 2016. Dans une scène de 2015, le film imagine que l'équipe de baseball des Cubs de Chicago remporterait le championnat du monde de 2015 contre les Gators fictifs basés à Miami. Au cours de la saison 2015, les Cubs se sont qualifiés pour les séries éliminatoires, leur première apparition en séries éliminatoires depuis 2008, mais ont perdu la série de championnat de la Ligue nationale contre les Mets de New York le 21 octobre. Malgré leur défaite, les Cubs remporteront la Série mondiale un an plus tard, soit en 2016, contre les Indiens de Cleveland. Du côté des points forts, eh bien Back to the Future 2 est une suite bourrée d'une multitude d'idées originales, dont celle de retourner en 1955 et de revivre le premier film sous les yeux de personnages connaissant déjà leur destinée à ce moment. La séquence du futur est également originale et amusante, notamment l'idée de permettre à Fox d'interpréter 3 personnages totalement différents, et ce, sur la même image. Au niveau des effets spéciaux, ceux-ci sont révolutionnaires, tant au niveau du hoverboard, des espadrilles avec lacets auto-attachants et quelques aspects futuristes innovateurs pour cette époque. La distribution est adéquate ici, sans plus, Thomas Wilson se démarquant surtout pour son excellent travail dans le rôle de Biff Turner. Zemeckis nous donne ici une réalisation très dynamique, peut-être un peu trop cependant. Car du côté des points faibles, eh bien c'est peut-être là le gros problème de ce second volet qui semble aller dans toutes les directions et qui ne prend pas vraiment le temps de développer son concept. On semble avoir peur de manquer d'idées ici et Zemeckis nous les balance les unes après les autres sans trop laisser respirer son spectateur, voire même son histoire. La magie du film original a totalement disparu ici, laissant place à une histoire nettement plus sombre et violente, ce qui la rend moins accessible à un très jeune auditoire. De plus, nous assistons ici à quelques facilités ridicules, telles le fait que Marty parle à son walkie-talkie sur la banquette arrière de la voiture de Biff sans que ce dernier ne s'en rende compte. De plus, le réalisateur nous demande ici d'ignorer certaines improbabilités de l'histoire, telles qu'un Biff Tannen du futur qui sait exactement comment fonctionne la DeLorean et le voyage temporel, alors que ce dernier est loin d'être un scientifique et qu'il n'a jamais été confronté à la technologie du voyage dans le temps avec l'invention de Doc Brown. Un autre aspect qui vient de nulle part est ce côté impatient de Marty qui semble perdre le contrôle de lui-même lorsqu'on le traite de poule mouillée. Les effets spéciaux visuels, malheureusement, ont mal vieilli, eux, la découpe dans les séquences des trois Marty étant visuellement manquée à certains endroits, bien que très innovateur pour sa période, une technique qui sera grandement améliorée au troisième volet. Malgré cela, la réalisation fort habile de Zemeckis et l'interprétation fort agitée de la distribution permettent tout de même à ce second volet d'être divertissant pour son auditoire. Du côté de la musique, eh bien, c'est encore une fois le compositeur américain Alan Silvestri qui a réalisé la musique du long-métrage. Lui qui avait réalisé les trames sonores des films Who Framed Roger Rabbit, Romancing the Stone, The Bodyguard et The Avengers. On peut retrouver cette trame sonore sur cassette, vinyle et CD sous l'étiquette MCA, trame sonore qui est sortie le 20 décembre 1989. De plus, vous avez le CD de The Back to the Future Trilogy qui a été sorti sous l'étiquette Varese Sarabande le 21 septembre 1999. Vous avez la trame sonore instrumentale de Back to the Future Part 2 qui a été sortie sous l'étiquette Intrada en CD le 12 octobre 2015. Vous avez une version vinyle qui est sortie de la trame sonore de Back to the Future Part 2 sous l'étiquette Mondo. Ça, c'était en février 2016. Et finalement, vous avez Back to the Future Trilogy Box Set. C'est un box set qui comprend les vinyles des trois films. Donc, c'est sorti sous l'étiquette Mondo le 24 mars 2016. Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. Dr. Emmett L. Brown here. Through the wonder of video spectronomy, I'm recording an amazing phenomenon. McDonald's Back to the Future Hamburger Happy Meal for $1.99. Analysis shows it comes with one of four toys, like Marty McFly, some old guy in my DeLorean. Holy bovine, is he familiar. Switching to X-ray mode reveals one toy each week when you buy your kids a $1.99 McDonald's Happy Meal. Perhaps I should forgo further documentations and just have lunch. What you want is what you get at McDonald's today. Ever since skate met board, every skater lived to get air. Now, air comes standard. Introducing the hoverboard, the first ever skateboard that's always catching air. No wheels, no friction, just little air. Big air, and mega air. That's levitation. Get the attitude of altitude. Permanently. I don't skate just because I'm cool. I skate to catch air. And the hoverboard gives me total freedom of movement all the time, bruh. Houston, we have air. Join the air pollution with the hoverboard. Air's no longer for just breathing, bruh. Out of my way, birds! Nom de Zeus! En slip de bain sur une mangouste à col roulé. Marty, écoute-moi. J'ai voyagé jusqu'en 2050 et tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert sur place. Marty, en 2050 exactement, Retour vers le futur 4 va sortir au cinéma. Le film sera un échec monumental. Bordel! Il faut remonter dans le temps, à l'époque du tournage du tout premier film, et prévenir le monde qu'un quatrième épisode est prévu dans le futur et que le résultat est à chier. Ouais, ok. On va foutre la merde. Il nous faut un plan si on décide de faire un braquage temporel. Évidemment que j'ai un plan. Et ça consiste en quoi? En voyageant dans le temps, on modifie le scénario du premier film pour que cette fois-ci Marty McFly soit à la fois son propre père et son fils. Attends, mais c'est dégueu. Pas si on apprend au milieu du film que le personnage d'Emmett Brown est en fait le Marty du futur d'une autre dimension. On découvrira qu'Emmett Brown est un Marty McFly qui a vieilli et qui est retourné dans le passé pour retrouver sa version jeune. Mon personnage a en fait voyagé dans le temps pour remplacer son moi d'une autre dimension. Et du coup, Emmett Brown deviendra à la fois ton père, toi-même et ta version jeune d'une autre dimension. Attends, comment on peut être sûr que tout ça, ça va annuler le tournage du quatrième opus? Marty, si je sais tout ça, c'est parce que c'est toi qui m'as fait cette révélation. Ton personnage a envoyé un message à l'acteur qui joue mon rôle pour lui dire que je devais dire à ton personnage qu'un quatrième film était en préparation dans le futur. Marty, en 2050 exactement, Retour vers le futur 4 va sortir au cinéma. C'est toi, Marty, qui m'a dit de te dire tout ça. Tu as changé d'époque pour te dire à toi-même que le Marty du futur était en train de modifier la réalité dans une simulation dystopique de notre univers. Tout ça dans le seul but d'empêcher le tournage du quatrième film, Retour vers le futur. Écoutez, Doc, j'ai des doutes sur la logique de votre histoire. Et pour être honnête, je pense qu'en 2050, on aura d'autres problèmes. Aïe, c'est pas faux. Et vous pensiez vraiment que j'étais le cerveau derrière tout ça? Oui, non, j'y ai cru. C'est une très bonne histoire. Now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully, and come back soon. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Get more out of life. Go out to a movie. Le Far West. Nom de Zeus. Je sais, c'est pas le pied. Les Indiens. T'es pointé droit sur ta tête. Venez voir. appelle ça avoir l'avenir devant soi? Je pars en 1885 et je vous ramène avec moi. Hey, tu nous lâches, espèce de tâche! Ton nom c'est quoi, pied tendre? Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort voile l'œil? Et qui est cette bien-aimée Clara? On m'avait sauvée! Emmett Brown, pour vous servir. Je vais te traquer et je te tirerai comme un sapin! Lapin, tirer comme un lapin. Où est-ce que tu as appris à tirer comme ça? À Disneyland. Là, on peut dire qu'il tient pas l'alcool. Je n'avais jamais, jamais rencontré un homme comme vous. Messieurs, mon ami et moi avons un train à attraper. C'est un hold-up. C'est une expérience scientifique. La fête commence. Back to the Future Part 3, ou Retour vers le futur 3, est un drame de science-fiction qui a été distribué en salle par les studios Universal le 25 mai 1990. Ce film américain d'une durée de 118 minutes a coûté 40 millions de dollars à produire et a amassé plus de 245,1 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Robert Zemeckis, lui qui nous avait donné les films Beowulf, What Lies Beneath et Castaway. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve les producteurs américains Bob Gale, lui qui nous a donné les films Interstate 60, Used Cars et Back to the Future Part 1 and 2, et Neil Kenton, ce producteur qui nous a donné les films Land of the Dead, Money Train et Geronimo. Au poste de scénario, eh bien c'est encore le scénariste américain Bob Gale qui s'occupe ici de l'écriture du film, lui qui avait écrit Back to the Future, Doc Brown Saves the World. Dans la distribution, eh bien, on y retrouve les comédiens Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson, Leah Thompson, Elizabeth Shue, Mark McClure, Wendy Jo Sperber, Jeffrey Wiseman et James Tolkien. En 1955, au moment où il veut retourner vers le futur, un adolescent apprend que son ami, un scientifique extravagant, a été tué en 1885, ce qui le forcera alors à retourner à cette époque à l'aide d'une machine à voyager dans le temps afin de ramener celui-ci sain et sauf en 1985. Durant le tournage du premier film de la trilogie Back to the Future, le réalisateur Robert Zemeckis demandera à l'acteur Michael J. Fox quelle période temporelle ce dernier aimerait visiter. Sa période spécifiée fut celle du Far West et donc, Zemeckis et le scénariste-producteur Bob Gale retiendront cette idée pour la conclusion de leur histoire. Plutôt que d'utiliser les décors existants, Zemeckis fera construire la petite ville de Hill Valley de 1885 à partir de zéro. De plus, tourner un film se déroulant dans le Far West séduisait grandement les différents cascadeurs d'Hollywood qui demandèrent à travailler sur la production. Les scènes western seront alors tournées à Oak Park en Californie et à Monument Valley. Une partie du tournage de Hill Valley de 1885 sera réalisée à Jamestown, toujours en Californie, et sur un plateau spécialement construit au Red Hills Ranch, près de Sonora. Certaines séquences, mettant en action un train, seront tournées au parc historique d'État de Railtown 1897, une ligne patrimoniale à Jamestown. Le tournage de ce troisième volet de Back to the Future débutera en août 1989 et se terminera en janvier 1990, faisant en sorte que l'équipe de production sera en tournage durant plus de 11 mois au total pour filmer les deux derniers volets de la saga. Mais ce sera cette période qui sera la plus difficile pour le réalisateur Robert Zemeckis, puisque ce dernier devait s'occuper du montage de la partie 2 alors qu'il tournait la partie 3, et ce, sur une période de plus de 3 semaines. son horaire du temps se séparait entre les villes de Sonora de Los Angeles, où il devait superviser le doublage final de la deuxième partie, et finalement à Burbank, où lui et Gale regardaient les bobines de ce qui avait été filmé ce jour-là. Ensuite, le réalisateur se retirait à l'hôtel Sheraton Universal pour la nuit pour retourner le lendemain matin à l'aéroport de Burbank et ainsi se rendre en Californie du Nord pour continuer le tournage de son film. Cependant, même si le calendrier de la plupart du personnel impliqué était éreintant, les acteurs ont trouvé le lieu éloigné de la troisième partie relaxant par rapport au tournage de son prédécesseur. Dès le début de la production du troisième chapitre, un nombre limité de scènes de Back to the Future 3 seront tournées pour permettre de monter une bande-annonce de la prochaine aventure de nos héros, séquences, qui seront présentées à la fin du second volet lors de sa diffusion en salle. Alors qu'il avait trouvé le tournage de la deuxième partie extrêmement difficile parce qu'il interprétait trois rôles différents de son personnage, ce qui le força à débuter ses journées à 3h du matin afin d'être maquillé, l'acteur Thomas Wilson relaxera un peu plus sur le troisième film, se permettant même d'apprendre à monter à cheval et à lancer son lariat tout en choisissant lui-même de réaliser ses propres cascades. Pour le rôle de Clara Clayton, celui-ci fut écrit en pensant à l'actrice Mary Steenburgen, qui fut réticente à la lecture du scénario, mais qui acceptera finalement le rôle, ses enfants, ayant adoré le premier film. Malheureusement pour elle, la scène du Hill Valley Festival Dance s'est avérée la plus dangereuse à filmer, Steenburgen se déchirant un ligament au pied durant une séquence de danse trop zélée avec l'acteur Christopher Lloyd. Le film présentait également des caméos d'acteurs vétérans du cinéma occidental, soit Pat Buttram, Harry Carey Jr. et Dub Taylor, dans le rôle de trois anciens cow-boys du saloon. Zemeckis avait même envisagé de faire jouer dans son rôle l'ancien acteur devenu président des États-Unis, Ronald Reagan, et de lui permettre le rôle du maire de Hill Valley en 1885. Reagan, qui venait tout juste de terminer en 1989 son deuxième mandat de présidence, refusera cependant l'offre. Durant la production du troisième opus, le tournage sera interrompu suite au décès du père de Michael J. Fox et une seconde fois pour la naissance de son fils. La photographie de cette troisième partie sera un rêve pour le directeur de la photographie Dean Cundey, qui partageait avec une grande partie de l'équipe son enthousiasme à l'idée de tourner un western. Comme le reste de la franchise, ce sera la compagnie Industrial Light & Magic qui s'occupera ici des effets spéciaux, le chef du département d'animation Wes Takahashi revenant ici afin d'animer à nouveau les séquences de voyage dans le temps de la DeLorean. Pour la troisième fois, le compositeur Alan Silvestri sera responsable de la partition musicale. Plutôt que de dicter le son de la musique, le réalisateur dirigera son compositeur comme il le ferait avec un acteur, cherchant à évoquer l'émotion et traitant chaque morceau de musique comme un personnage. Les musiciens du groupe de style Old West du film seront interprétés par les membres du groupe rock américain ZZ Top qui composeront également une chanson-thème pour le long-métrage, soit Double Back. Back to the Future empochera plus de 23 millions de dollars durant son premier week-end au box-office nord-américain, terminant sa course en salle avec plus de 87,6 millions de dollars en Amérique du Nord et un 157,5 millions de dollars au niveau international. Ce troisième volet remportera deux prix au Saturn Award de 1990, soit un pour la meilleure musique, ainsi que le second pour le meilleur acteur de soutien en la personne de Thomas Wilson. Suite à la sortie du troisième film de la trilogie et de la série animée, qui sera diffusée un an plus tard, le co-scénariste et réalisateur Robert Zemeckis, qui détient les droits finaux sur tous les films de la franchise, déclarera qu'il bloquerait toute tentative de refaire ou de redémarrer le film original. Son co-scénariste, Bob Gale, commentera à cet effet qu'il ne souhaitait pas voir un autre film de la série sans le personnage de Marty McFly, ni aucun autre acteur que Michael J. Fox le jouant, tout en reconnaissant que l'état de santé actuel de Fox rendait cela impossible. En effet, l'acteur canadien s'apercevra de tremblements incontrôlés en 1991 sur le tournage de Doc Hollywood et sera alors diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. En 2000, il fonde officiellement la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research et devra finalement prendre sa retraite en 2024, sa maladie ne lui permettant plus d'occuper ses fonctions à titre d'acteur tant au niveau physique que vocal. Malgré le fait que la franchise Back to the Future n'était pas spécifiquement destinée aux enfants, celle-ci sera représentée à travers une grande variété de produits promotionnels, notamment des Playmobiles, des cartes à jouer, des vêtements, de la poterie, des affiches, des jeux de société, de la figurine, des jouets en peluche, des pop de la compagnie Funko, des die-cast de la DeLorean, des livres, du comic book, des décorations de Noël et une multitude d'autres choses. Au niveau des jeux vidéo, Back to the Future a reçu plusieurs adaptations en jeu, tant sur Amstrad CPC, Commodore 64 et ZX Spectrum. Un jeu d'arcade et d'aventure sortira en 1989 sur la Super Nintendo System, tout comme Back to the Future The Pinball Game, qui sortira en 1990, bien que Fox ait refusé la permission que le jeu utilise l'image de son visage. Un jeu d'aventure graphique épisodique, soit Back to the Future The Game, sortira en 2010. Ce sera le scénariste Bob Gale qui contribuera au récit du jeu dont l'action se déroule après les événements du troisième film. Quant à Back to the Future The Ride, ce simulateur de conduite sera en fonction de 1991 jusqu'en 2007 au Universal Studios Hollywood et au Universal Studios Florida. Le développement du manège fut supervisé par Steven Spielberg lui-même et l'attraction mettait en vedette Doc Brown pour chasser un Biff qui avait volé la DeLorean. Une version du manège au Universal Studios Japan était également active de 2001 jusqu'en 2016. L'acteur Christopher Lloyd reprendra son rôle de Doc Brown dans un bref segment dans lequel son personnage revient avec un message spécial marquant la date de 2015. Doc Brown Saves the World sera produit par Glenn Sanders, Brett Levison et Thomas Gwinden et sera présenté sur DVD et Blu-ray disc lors de la sortie d'un coffret dans ses formats vidéo commémorant les 30 ans de la franchise. Dans ce court-métrage, Emmett Brown se retrouve dans un endroit tenu secret à l'extérieur de Hill Valley, en Californie. Nous sommes le 21 octobre 2015, une heure avant l'arrivée de Marty, Doc et Jennifer en 1985, et le scientifique explique que lorsqu'il a voyagé vers le futur, il a découvert qu'un holocauste nucléaire s'était produit le 21 octobre 2045. En 2004, Bob Gale déclarera être intéressé à écrire une adaptation de Back to the Future pour Broadway. Ce sera en 2012 que débutera le développement de ce projet avec l'intention d'ouvrir le spectacle dans le West End de Londres en 2015, juste à temps pour célébrer le 30e anniversaire du premier film. Jamie Lloyd fut initialement engagé pour diriger la production, mais des différences créatives avec Bob Gale amèneront à son départ, ce qui retardera alors la production jusqu'en 2020. La première de Back to the Future, The Musical, aura donc lieu le 20 février 2020 au Manchester Opera House. La musique et les paroles seront écrites par Alan Silvestri et Glenn Ballard, basées sur le script de Bob Gale, qui supervisera la production. Ce sera John Rando qui s'occupera de la réalisation, alors que les chorégraphies seront réalisées par Chris Bailey. Cependant, quelques jours seulement après l'ouverture officielle, l'Opéra de Manchester fermera ses portes le 16 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. La production sera donc transférée au Théâtre Adelphi dans le West End, où elle redébutera le 13 septembre 2021 avec la même équipe de distribution et de création. La diffusion de ce musical devrait se poursuivre au moins jusqu'en juillet 2025. En plus d'être présenté à Londres, le spectacle sera également présenté à Broadway le 30 juin 2023 au Winter Garden Theatre. La production sur Broadway se terminera le 5 janvier 2025. En plus de cela, une tournée nord-américaine débutera au Playhouse Square à Cleveland, en Ohio, le 14 juin 2024 et devrait se poursuivre jusqu'en août 2025 et se terminer au Ed Mervish Theatre de Toronto, en Ontario, au Canada. S'ajoutera à cela une présentation au Théâtre Shiki à Tokyo, au Japon, en avril 2025, suivie d'une production à bord du navire Star of the Seas du Royal Caribbean International, à la mi-2025, puis d'une représentation en Australie en septembre 2025 au Sydney Lyric Theatre de Sydney. Du côté des points forts, eh bien, Back to the Future Part 3 retourne aux sources tout en rendant hommage au monde de l'histoire cinématographique du western avec une série de clins d'œil des plus amusants. Ce dernier volet de la trilogie est beaucoup plus terre-à-terre que les deux films précédents et l'interprétation des comédiens est beaucoup moins énervée que le second volet, permettant plus à son auditoire de relaxer et d'assister à une belle histoire temporelle remplie d'humour, de romance et d'action. La chimie entre Christopher Lloyd et Mary Steenburgen est parfaite, alors que Thomas Wilson nous donne encore ici une performance remarquable en vilain stupide. La photographie est superbe et les cascades et l'action permettent aux spectateurs de revivre le bon vieux temps des westerns des années 30, 40 et 50. Au final, Back to the Future Part 3 est la conclusion parfaite à une trilogie qui a su nous divertir depuis plus d'une quarantaine d'années. Mais du côté des points faibles, eh bien, le rythme de ce troisième volet est sans contredit le plus lent de la série, ce qui pourrait ennuyer certains spectateurs. Bien que mieux réussi que le volet précédent, certains effets spéciaux ont mal vieilli ou laissent encore l'impression d'être incomplets. Ce film est un peu moins drôle et moins tordu que le précédent, le tout principalement à cause de l'histoire de romance entre Doc Brown et Clara. Cependant, le film réserve néanmoins quelques surprises amusantes et original. Du côté de la musique, eh bien, c'est encore le compositeur américain Alan Silvestri qui s'occupe ici de la partition musicale, lui qui avait réalisé la musique des films The Abyss, Captain America The First Avengers et Night at the Museum. On peut retrouver cette trame sonore en CD, une trame sonore qui a été mise sur le marché par l'étiquette Varese Saraband le 29 mai 1990. Vous avez également le Back to the Future Part 3 25th Anniversary Edition qui est sorti en CD avec une quantité limitée à 5000 CD. Ça a été mis disponible par les étiquettes Varese Saraband le 16 octobre 2015. Et vous avez le vinyle qui a été distribué sur le marché en février 2016 sous l'étiquette Mondo. De plus, vous avez Back to the Future Trilogy qui est sorti sur le marché en CD sous l'étiquette Varese Saraband. Ça, c'était le 21 septembre 1999. Et vous avez également le Back to the Future Trilogy Box Set. Ça, c'est un coffret qui inclut les trois partitions musicales de chaque film. C'est un coffret de trois vinyles qui a été distribué sur le marché par les étiquettes Mondo le 24 mars 2016. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Back to the Future 3. Moi, j'y vais avec un 2. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film général. Moi, j'y vais avec une cote pour tous, malgré quelques séquences de violence. Du côté de Back to the Future 2, eh bien, Mediafilm a coté le film 4. J'y vais également avec un 4. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film général. Moi aussi, j'y vais avec une cote pour tous, malgré un langage vulgaire et quelques séquences de violence. Pour Back to the Future 3, eh bien, Mediafilm a coté le film 4. J'y vais également avec un 4. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma y va avec une cote générale. J'y vais également avec une cote pour tous pour des scènes de violence. Au niveau musical, il y a Back to the Future, The Musical Original Cast Recording qui est disponible. C'est sorti sous l'étiquette Sony Masterworks le 11 mars 2022. On parle d'un CD. Et au niveau des films, eh bien, vous avez les trois films de Back to the Future qui sont disponibles séparément en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. Et vous avez également le coffret Back to the Future Trilogy, que ce soit 25e ou 30e anniversaire. Il y a plusieurs versions qui existent sur le marché, que ce soit en français ou en anglais. C'est également disponible donc en DVD et en Blu-ray. Et vous avez également disponible le Back to the Future The Ultimate Trilogy, qui est également disponible non seulement en DVD et en Blu-ray, mais qui est également disponible en 4K. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez trouver sur le marché afin d'ajouter à votre collection. Since its introduction, there's never been anything like it. It's been copied and imitated, but nothing can touch it. With a megaton of pulsing power,